Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un long périple. En 1940, une petite troupe de prisonniers décide de s'évader d'un camp de travail sibérien. Pour ces hommes venus de tous les horizons, s'échapper de cet enfer ne sera que le début de l'aventure. Tu mourras en moins d'un an. La bonté, ça peut te tuer ici. Des criminels professionnels. Ils tuent et ils volent. Qu'est-ce que tu veux que tu me sortes de là? Si tu penses sérieusement à t'évader... Reculez! Halte! Je viens avec toi. Pourquoi tu passes par là pour les couper la route? Par ici! Il faut continuer! La neige nous aveugle! Ils nous trouveront jamais comme ça! On est perdu. Le sud! Quelqu'un nous suit. Non! Elle a besoin de protection. On n'a même pas de quoi se nourrir. Irina, non! C'est un mirage! Dans un mirage, il n'y a pas d'oiseaux. Il faut que je rentre chez moi. Aller de l'autre côté de l'Himalaya? Comment? En marchant. Les chemins de la liberté, un film de Peter Weir avec Colin Farrell, Ed Harris, un DVD métropolitain.